Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. Skyrock. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, c'est Planet Rap Niro sur Skyrock. Et c'est Niro toute la semaine dans Planet Rap entre 20h et 21h. Si je me souviens, ça sort dans allez, une semaine maintenant, 6 novembre dans les bacs. Inch'Allah, mais avant tout, salam à tous, salam à ceux qui sont avec nous, salam à toi Fred, salam à toi frérot, salam à tous les frères qui sont là, qui j'ai pas dit bonjour. Le 6 novembre, si je me souviens. Bon, ça va, tout roule ? Ça va, tout roule. La journée, tout s'est bien passé ? Bah, en promo, hein, comme d'hab. Comme d'hab. On essaie de pousser le machin. Eh bah le machin ça arrive mine de rien. Ouais, Inch'Allah bientôt. Inch'Allah. C'est dans une semaine mais les précommandes c'est dès maintenant on peut y aller. Ouais voilà, et bah, voilà, je suis comme d'hab accompagné de l'équipe, Street Lourd. Moscou est là, on attend les deux autres, Monsieur Noumouké est là avec nous ce soir. Aïe. Il va nous parler d'une application là qu'il est en train de mettre en place, etc. Et bon, on va en parler dans un instant. Voilà, et bah salam à tous, hein, à tous ceux qui sont avec nous. Bon, coup d'envoi, on peut attaquer. De ce Planet Rap. Ça sort donc le 6 novembre, en voici un extrait pour débuter, c'est Le Ciel est ma limite. Ouais, ouais, ouais. Le Ciel est ma limite, produit par Kujo, Iso à la guitare. Et vous balancez tous vos messages avec le hashtag Niro sur Skyrock, le téléphone aussi 06 71 74 84 15, Niro. Ouais, ouais, le 6 novembre. Des fois je me pose des questions, ben, est-ce que le ciel est ma limite? Est-ce que le ciel est ma limite? Si je me souviens, roulez. Encore un de mes potos qui a fait une dinguerie, on paierait plus des ferrets. Toujours les mêmes histoires, fierté et conflit d'intérêts. Ils veulent savoir ce qui se passe sous mon béret et combien de sous j'ai récupéré. J'ai tellement galéré, du mal à me tempérer, mais t'inquiète, j'ai serré. Pointé du doigt depuis petit feu, c'est nous les enfants terrés. On fait connaissance avec la faucheuse de 50 sur le péré. Surmets les intempéries, cousine, c'est pas la mairie. J'vais m'acheter, ça suffit, j'me marie pas la mairie. Si comme nous t'es issu de la servie, tu seras jamais mon ennemi. J'ai taffé de moi dans ma vie, si jamais touché les rêves. Des fois je me pose des questions, mais est-ce que le ciel est ma limite? Quelle est la différence entre serre et mourage et l'anonyme? J'ai besoin d'un instant, j'ai besoin d'un alibi. J'calcule pas ce qui nous ralentit. Pourtant j'ai besoin d'un alibi. Le 6 novembre, si je me souviens. Est-ce que le ciel est ma limite? J'écris jusqu'à l'aube. La concurrence n'a pas fait son deuil. Genre d'un cauchemar, je me lève dans un autre. Bosco et Squad, ils sont gays comme jamais. Accompagné même si je parle. Achemé sans le teco, bête de gosbo. Oui, oui. Que des enfants n'a dans le pas ici. Y'a pas de l'objet, je deviens paresseux. Ben ouais, mon ami. Cavaler après les miennes. Pour toi, ça m'a pris la terre. Les anciens ont pris les pépettes, on arrive après la fête. J'ai appris en grandissant alors, je suis devenu intransigeant. Le rap, c'est bien tigeant, mais salope, j'arrêterai pas dans 10 ans. Ben ouais, mon ami, le jour se lève, je suis encore plus beau avec la veille. Le soir à fond dans la gova, je me brûle les doigts avec le cul de la veille. Je me brûle les doigts avec mes lova au collège, au lycée, mauvais élève, celui qu'on surveille. Une arme blanche cachée dans mon survêt, toujours prêt à faire des putains de trucs. J'ai besoin d'un analyse, j'ai besoin d'un alibi. J'calcule pas ce qui nous ralentit. Le 6 novembre dans les bacs, mon ami, si je me souviens. J'ai besoin d'un alibi, casser les portes de la réussite. Mais avant, il faut que je fasse mes preuves. Est-ce que le ciel est ma limite? Le ciel est ma limite. J'ai besoin d'un alibi. J'calcule pas ce qui nous ralentit. Pourtant, j'ai besoin d'un alibi. Casser les portes de la réussite. Est-ce que le ciel est ma limite? Le 6 novembre dans les bacs. Et à tous ceux qui soutiennent, et à tous ceux qui envoient des messages, et à tous ceux qui nous reçoivent à ce terci. N.I.R.O. Et une spéciale à tous mes Algériens. Ouais, ouais. Mais Tunisien, ça bouge pas. C'est Niro, notre invité. Le morceau Le ciel est ma limite à l'instant. Wow, ouais, c'est Le ciel est ma limite. C'est un très bel extrait. Très bel extrait, avec en plus la prod, la guitare qui va avec. Ouais, j'ai presque envie de dire à monsieur Laurent Bounou qu'il nous le mette en playlist celui-là. Le message est lancé, est-ce qu'il arrivera dans le bureau juste en face? Ouais, envoyez-lui des lettres là. On soit là toute l'année, nous. Des courriers avec un timbre. Hier, ma mère, c'est ma mère hier, oui, carrément, qui m'a dit ça. Qui s'est mobilisé pour toi, Niro. Toute l'année, il te passe ou c'est comment? T'es que à Planète Rap. Donc voilà, ouais, monsieur Bounou, le ciel est ma limite, très très gros. Sky is the limit, même d'ailleurs, si on traduit. Voilà, exactement, c'est ça, la référence. Je me disais, est-ce qu'il y a une petite dédicace par-dessous? Ouais. Est-ce qu'il y a un moment ça a été c'est travaillé? Non, c'est venu comme ça. Naturel. Bon, on a beaucoup parlé aussi des productions, on peut parler aussi maintenant de la voix. C'est vrai d'ailleurs, t'en fais référence aussi dans un morceau. Ouais. La voix, toi, c'est pas trop ton truc de la trafiquer énormément. C'est vrai qu'il y a eu une grosse tendance de trafiquer avec ce fameux. Comment ça s'appelle déjà, logiciel? Vocoder iTunes. Autotune, voilà. Autotune qui a été énormément utilisé surtout ces derniers temps. Ouais. Toi, c'est aussi un choix. Il y a un petit peu de correction de voix. Ouais, j'essaye un peu. Je m'essaye. Avant, j'aimais pas trop, comme j'ai là en ce moment en interview. Bon, dans les interviews ça sera expliqué un peu plus profondément, mais avant j'étais pas trop dedans. Voilà, aujourd'hui faut se renouveler, faut essayer de nouveaux trucs. Je me suis essayé, c'est pas si mal que ça en vrai. Ouais, c'est pas un truc qui te bloque. Ouais, ça passe bien, ça maintenant ça me bloque plus. Avant j'étais plus radical, mais aujourd'hui j'arrive à c'est même pas forcément pour faire une ouverture ou je ne sais quoi, c'est pas calculé, tu vois. Si t'écoutes le message même, en vrai, le message même des morceaux, vocodeurs ou pas, le message ça reste le même. C'est assez percutant dans ce que j'écris. Donc voilà, c'est pas des trucs radiophoniques. J'ai pas cherché à ce que ce soit ouvert ou à douiller les gens comme certains peuvent le dire. Voilà. Qu'est-ce qui pouvait te gêner à une époque quand tu dis ouais, c'est un truc qui me gênait un peu? Ouais, ça me gênait parce qu'en fait, avant, je pensais que dans ma tête, le vocodeur c'était un truc, t'es allé chicha là, tu vois, et tu pouvais faire que ça avec, tu vois. Et là, de plus en plus de gens, ils arrivent à bien s'en servir. Voilà, les Quinry montrent un peu l'exemple. Mmh. Exactement. Je trouve que ça passe bien si c'est bien fait et que c'est bien maîtrisé. Et après, ça peut ne pas plaire à tout le monde aussi, on leur en veut pas, voilà, et il y en aura pour tout le monde dans l'album. Ouais. Bon, en même temps, toi, voilà, t'as aussi prouvé que tu savais rapper, kicker, pas besoin forcément ça y est, on a prouvé là, d'accessoires superflus. Faut pas faire chier. Ouais, on essaie de se renouveler, on essaie de faire quelque chose de propre, de ramener quelque chose d'un peu plus musical. On sait pas chanter, t'as vu, moi j'ai pas une voix de meuf du R&B, mais ouais, ça peut t'éviter ça peut même t'arranger de sorte à ce que tu fasses tes refrains toi-même sans forcément passer par. Mais après, je pense que c'est aussi plus compliqué, c'est de mettre en place aussi en concert, parce que ça demande forcément plus de répétition, ouais, voilà. de réglages. Ouais, de réglages, etc. De les balances, comme ils disent. Et puis, après, ça fait partie du boulot, c'est comme tout. Hein. Bon, on pourra te voir d'ici là aussi en tournée. Et Showcase, hein, Moscou. Quelques dates. Alors, on sera le 7 novembre à La Roche-sur-Yon au Club 36. Le 14 novembre à Lyon au Night Club. Le 21 novembre au Havre, alors à la salle Tetris. Et le soir, pareil, au Havre, au Club W. Le 27 novembre à Genève au MAD. Le 11 décembre à Fribourg au Chaos Club. Ouais, pour les premières dates. Voilà. Pour les premières dates, mais il y en a d'autres qui arrivent, on est en train de confirmer ça. Mais on sera un peu partout en France, dans les nightclubs ou pas. Voilà, et puis on va préparer un gros concert sur Paris. Voilà. Dans les mois qui arrivent. Dans les mois qui viennent, 2016. Exactement, Inch'Allah. Voilà. Un gros concert sur Paris. Niro, avant de présenter ton invité qui nous parle d'une application dans un instant, on met un morceau. On part sur quoi? Balavoine, les gens ils l'aiment bien. Ça, tu l'as fait en live? Ouais, c'est un freestyle que j'ai réalisé récemment et que les gens ils aiment bien. On va l'envoyer ce soir. Petit cadeau en plus. On vous met bien. Allez, c'est parti maintenant. Balavoine, c'est Niro sur Skyrock. Le 6 novembre, si je me souviens. Une pour tous les quartiers de France. À tous les frères incarcérés. Ouais. À tous les quartiers de France. Bello. Ah. J'ai pris de l'élan pour mieux les sauter, laisse-moi prendre le volant. Je reviens toujours plus violent, je suis boiré comme un jour de l'an. Entouré de malades m'entonner dans cette merde, bien détonnant. Je trouve la paix comme isolant, j'oublie un même en picot. Freine, tu finis sur place comme un garde-à-vue dans les rues de ta ville. Je refais surface comme un cadavre, je peux te niquer ta vie. Le rap c'est un 3-5-7 dans un menu à 8000. Tu crois que tu nous intimides, t'as le flow d'un prof de chimie. Quand tu m'écoutes en direct, je suis à côté de toi dans ta turvoie. Parce que je suis rodé, je vois ce que tu vis, je vis ce que tu vois. Quand tout va mal, y'a son père, il vient tu sais quand tout va. Laisse-moi dans mon coin, va te branler sur tes faux, you vois. Un talent inné, je suis né avec, c'était destiné. Il parle de moi dans la matinée, je l'ai graillé au dîner. La rue reconnaissante envers mes signes avant de signer. Et c'est qui s'invente une vie qui représente son faire de ciné. Les matons guettent à l'œil d'eau, attendent que je fasse un faux pas. J'attends pas le prochain feuilleton, bientôt je m'arrache un coup pas. Crois pas que tu vas nettoyer tout ce que t'as fait de bien à l'eau chaude. Je veux pas de leur vie, de leur foyer, de leur loyer, j'aspire à autre chose. Le chemin qu'on s'est frayé, rivaliser c'est trop tard. J'ai déjà tout plié, crois-moi poteau, j'ai plus d'adversaires. Nous détruire, ils peuvent essayer, je suis leur pire cauchemar. Même en étant éveillé, rêve tous de moi la putain de leur soeur. J'ai la valeur des penseurs, toujours en bas de l'ascenseur. Je passe sur W9, à l'heure des jaunes, à l'heure des censures. Laisse tomber les suceries dans les coulisses d'industrie. Ils parlent le langage du street, les rois de la fils de puterie. Diamant, ils veulent que je rappe comme à l'ancienne, que je reste à l'entrée. Après diront que ça tourne en haut, que néant n'existe plus. J'aimais pas trop l'autotune, mais finalement ça passe crème. Bon, si t'aimes pas, je m'en bats les couilles, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus. Ma trilogie m'a été de faire minimum platine. Fier de nous, la mentale, vite gangsta, que des classiques. Plus efficace dans le kickage, depuis autopsychale. Que du niquage de merde, cette année même, je deviens radical. J'étouffe ma génération, je demande à Mr. Flosso. J'fabrique des cauchemars de rêve en cabine quand tu crois qu'on doit. Faut que la fédération, je leur fais mal au dos, ils peuvent pas me blairer comme Ronaldo. Je galérais pour le ballon d'or. Tu veux percer en restant vrai, j'ai bien peur que tu fasses. Ouais, ouais. Fais de la merde quand tu vends bien, tous ces rappeurs te suceront. Ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, jour de spa du hood. Que des galères de fou, on dirait qu'on t'a fait juste l'eau. Plein d'innovants, tu peux les trouer, trouler. Le Sinovo, c'est pareil, inoffensif comme un gars au foulé. Le Sinovo, VRF innovant, tu kifferais nous voir couler. Mon album sort le Sinovo, mettez le volume et roulez. Trouvez-le des bagagistes, ouais, ouais. Le mec à la douane. Je ferai rentrer tellement de reputons, ton équipe viendra voir à poil. En maison, dit je suis plus m'écrase, c'est moi pas tous à la fois. Je prends toute place, ils veulent que je m'écrase comme le poteau bas à la voile. Je suis au courant de toutes les histoires, surtout pas celles dont on parle. Le bras tellement long chez moi, je peux mettre du sel dans ton plat. Le bras tellement long chez moi, je peux mettre du sel dans ton plat. Le bras tellement long chez moi, je peux mettre du sel dans ton plat. Zoulou, dis pas si tu kiffes pas, mais dis pas qu'on mérite. Eh ouais, mon ami, mais dis pas qu'on mérite pas. Clique pas si tu kiffes pas, mais dis pas qu'on mérite pas. Ouais, ouais, ouais, ouais. Dis pas qu'on mérite pas. Sinon, bon, si tu kiffes pas, mais dis pas qu'on mérite pas. Mais dis pas qu'on mérite pas, Zoulou. Clique pas si tu kiffes pas, mais dis pas qu'on mérite pas. Ouais, mais dis pas qu'on mérite pas. Ouais, ouais. Y'a une spéciale à tous les quartiers de France. Niro avec nous, et donc ce morceau qui s'appelle, enfin ce morceau, ce freestyle plutôt, hein, Niro. C'est un très gros freestyle. C'est un très gros freestyle que t'as appelé Balavoine. Ouais, ouais, comme mon pote Balavoine. Mmh. Bah, c'est parce que tu l'écoutais plus jeune, c'est quelqu'un que t'as. Non, c'est pas forcément. C'est plus. Moi, ma daronne, elle aimait bien Balavoine. Elle aimait bien, ça c'est la génération de nos parents, ça. Elle était bon. En même temps, il avait des punchlines, hein. Ouais, il était énervé, c'était un oui, revendicateur, voilà, il prenait trop de place. Et voilà, donc. En fait, lui, il est mort d'un crash. Accident d'hélicoptère, ouais. Ouais, voilà. Mm. Et c'est juste un rappel. C'est un petit clin d'œil. Ça, ouais, on prend trop de place, ils veulent qu'on s'écrase comme Balavoine. D'où la punchline que t'as sorti à l'instant et petit clin d'œil donc à Balavoine. Paix à Balavoine. C'était un brave. Des gens que t'as écouté donc par ta maman en fait. Ouais, ma daronne, tu connais, c'est de la génération de nos parents, ça. Mm. Que ce soit les papas ou les mamans, les tontons. Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait rire Moscou. Mais Moscou, c'est parce que lui, il est de la génération de la bonne. C'est ça. Il veut faire Sahab et tout, ça, il a 28 ans, c'est du pipeau. D'ailleurs, toutes les personnes à qui il a dit il a 28 ans, si vous nous écoutez, c'est du gros mytho. Attends, il a jamais été aussi jeune, regarde. Ouais, il a la classe en ce moment, Moscou. Surtout en ce moment, j'aime bien son style. Voilà. Ouais, salut Teddy Corona qui nous a rejoint aussi. Teddy Corona qui nous a rejoint. Salut Fred, ça va? Rien à dire sur Teddy, Niro en particulier. Non, Teddy Corona, le maître de la classe. Incarné. C'est moi-même. Oui, et... tout à fait. T'as d'ailleurs, en passant, je voulais faire une petite dédicace à mon frère, Scomoni, là, il nous écoute de Los Angeles. Ouais, Scomoni, de LA. Et ben une dédicace. Force aux Crips et aux Blood. Une dédicace qui part maintenant. Et force à Martial aussi. Tu nous entends. Niro, présente-nous ton invité. Tu nous as dit tout à l'heure, je suis venu avec quelqu'un. Alors, je suis venu avec monsieur Noumouké Sidibé, le frère de Amadou Sidibé du K54. Mmh. Monsieur Noumouké veut nous présenter une application. Moi, je vais bosser avec lui sur ça. Enfin, je suis partenaire. Je veux pousser le truc parce qu'on y croit. En fait, le concept, c'est, elle s'appelle Mouji. Donc, c'est bien ça, ouais. L'application s'appelle. Prends le micro, vas-y, hein, si tu veux ajouter quelque chose. L'application s'appelle Mouji, le partenaire. Ah, c'est le partenaire. Voilà, qui... c'est lui qui a les mots, quoi, qui est pour vendre le truc. Qui s'appelle Massimo. Pardon ? Massimo. Massimo. Attends, Massimo, faut que tu enlèves le. Ouais. Voilà, parce que tu appuies en même temps. Massimo. Massimo. Donc, Massimo, voilà. Le partenaire. Donc, je t'expliquais, donc Mouji, en fait, c'est une application, si je ne me trompe pas. En fait, ça permet aux gens à l'extérieur, par exemple, s'ils kiffent un footballeur ou un artiste, ou telle personne, peu importe, dans le cinéma ou dans tout, en fait, dans le sport, dans la musique, etc., bah, ça permet de découvrir la playlist de ce que les artistes ou les sportifs, etc., écoutent. Et donc voilà, pour ceux que ça intéresse d'aller voir ce que la playlist de leur sportif préféré ou leur acteur préféré, je trouve ça intéressant. Ou Niro, par Niro, exemple. Ouais, mais moi, je serais un fervent. Un fervent soldat de ce truc-là, déjà parce que Noumouké, c'est la famille. Et puis, bah. D'ailleurs, c'est grand salam à Ami, si tu nous écoutes, salam à toi et à ton mari, ma soeur. Force à vous. Massimo, qu'est-ce que tu peux ajouter sur l'appli? Elle est pas dispo encore, c'est ça? Donc, c'est une appli qui va sortir d'ici la fin de l'année et qui va permettre, via un système de géolocalisation, de cibler toutes les personnes aux alentours, donc aussi bien pour les personnes lambda que pour les artistes, et de découvrir en fait leur playlist et les sons qu'ils veulent partager. Donc l'avantage pour les artistes, c'est que demain, si par exemple t'es pas écouté au Japon et qu'un Japonais en France prend ton son via la géolocalisation de quelqu'un et le lendemain s'en va voyager n'importe où, ouais, il va emmener son son avec toi en fait. Non, donc, ça, c'est bah, de la propagation de musique. C'est bon point pour les artistes. C'est un bon point pour les artistes. Et puis même, c'est pour aussi rester en interaction un peu avec le public. Et c'est une chose en plus. Voilà, voilà. Donc c'est un moyen de rentrer en interaction avec les artistes, avec des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes lambda, de pouvoir échanger avec elles de différentes manières. Par rapport à la musique, par le biais de la musique. Par rapport à la musique. Ouais, tout est centré autour de la musique. Voilà. Donc c'est pour cette application, elle s'appellera Mouji. C'est Mouji, M-O-O-D-Y. Ouais. Vous pouvez nous suivre sur Facebook à Mouji, tout simplement. Donc l'adresse, ouais, Mouji. Voilà, et sur Instagram et sur Twitter, Mouji-app. Voilà. Donc merci pour l'opportunité. Non, rien du tout, c'est la famille, force à vous, allez force à nous. Allez chercher l'album de Niro et puis voilà. Et vous retrouverez tout sur l'application aussi. Ouais, voilà. Mouji, M-O-O-D-Y. Allez suivre ça, bah, bon courage à vous en tout cas les gars. Bah, merci beaucoup en tout cas. Et pour la suite. Voilà. Force à Noumouké. Sidibé, Noumouké. Noumouké. Noumouké, Sidibé. Noumouké, Noumouké. Force. Et Niro avec nous. Le hashtag, c'est Niro sur Skyrock. Un petit coup de fil aussi, Niro. 06 71 74 84 15. Si vous voulez l'appeler, Niro, c'est à n'importe quel moment. Je vais répondre après. Ouais, t'es pas très chaud pour décrocher, je le vois. Je sens que t'es. Non, même pas le portable, je le rapproche. Ça se rapproche donc. Je le rapproche. Et bah, le temps de mettre un morceau, si je me souviens par exemple. Ouais, si je me souviens. Exactement. Gros classique. Bah oui, on l'a mis hier. Pour ceux qui n'ont pas pu le découvrir ce soir, si je me souviens. Produit par Will Star. Force à Will Star. Le 6 novembre, si je me souviens. Nos ghettos étaient pas les mêmes. Je me rappelle en 99. Mello. La nuit j'entendais Kennedy des longues vies. Là en bas de mon immeuble. Coachy. Je me rappelle de la violence et des armes. Quand les rêves, les rêves, moi c'est mes potes. Je me rappelle quand je les comprenais pas. J'ai compris qu'on se fait du mal quand on se connaît pas. Malgré la zermie, les soucis à la bague. Voilà qu'on tapait des bas. Ta famille passait au béton. On baissait la tête, on se la racontait pas. J'ai pas mis ça sur partenaire. J'ai vu la rue les escorter. Du sable et du sang par terre. J'ai vu la mort les emporter. Je me rappelle de ces journées pétées. Quand on coursait les cups à Kennedy Dédé. Ça les arrangeait qu'on les frappe en plein été. Ils ont profité pour garder des gens d'été. Quelque part où aller, rayons y étaient. Y'a haja à faire direct, on s'y mettait. Je vendais leur conso, y'avait pas de sous-métier. Puis tu mets leur tête de con sous mes pieds. Parce qu'à l'époque y'avait pas d'iPhone, pas d'iPad, pas d'ordinateur. Les grandes chez moi tirent sur les condés par la fenêtre de chez leur géniteur. Ces bâtards nous rendent des visites, des matraques, des gazous et des coups taser. Ils voulaient nous coller, tentative d'homicide, un star fer en l'or, n'était même pas majeur. Avoir un fils et prendre des love et moi à part où je buzz. J'suis fier de mon parcours quand je me rappelle que j'ai grandi au bled. Pas besoin de feat sur l'album, allez on y va. C'est puis je couche un bol, vous fournis de la bonne. Sortez vos G-Bones, trop fort que les divas. Quand t'as chicha bomb, y'a plus rien qui va. Trop violent pour tout festival. Ils ont beau faire ça, j'ai aucun rival. Ils font ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils veulent. Fin du débat, chercher l'amour de la France à la rade. C'est comme chercher l'amour dans un film de poule. Une mère de famille m'a traité de salarabe. Ils veulent me voir intégré comme Jamel de Boucher. Aïe qui fait poser mon petit couach à la fac. Bibi de la patate au petit fils de bouche. Au lieu de ça dehors, ça caillasse la bac. Rabat sur pack pack et vodka Red Bull. Ils font les pestes, on les baisse tous à la passe. Sur le dos, le vrai s'assit debout. J'ai pas dit ce que j'ai fait tout ce que j'ai dit. Le rap de mes couilles, moi j'en ai rien à foutre. J'ai pas la réponse à la bêtise, imbécile, apprécie, mais assez agressif. Après si t'as saisi ce que j'ai dit sur mes 10, tu sais que toi ou ta haine l'auront dans leur bout. Si je me souviens, Inch'Allah, pour nous ça finit bien. J'en ai vu plein retourner leur veste finit plein. Elle si novembre, si je me souviens. Ouais. Si je me souviens, Inch'Allah, pour nous ça finit bien. Une spéciale à tous ceux qui achètent l'album, force à vous. Ouais. Retournez leur veste Philippe plein. Si novembre dans les bacs, si je me souviens, Street Lourd et Niaro, Bello, Kennedy et des Long Beach, Cochi. Force à tous ceux qui soutiennent. Si je me souviens à l'instant, c'est l'album qui sortira dans une semaine maintenant, le 6 novembre, vendredi prochain. Ouais. À pas louper les sorties de Niro et à découvrir encore entre 20h et 21h. Ce soir, je crois qu'on passe encore un titre inédit, hein, messieurs, si je ouais, me plante pas. Ouais. On vous passe un petit titre inédit, surprise. D'abord, on va répondre à quelqu'un si tu veux, non? Ah, tu veux répondre? Bah vas-y, 06 71 74 84 15 pour joindre Niro tout de suite. Allez-y. Ok. Tu mets sur haut-parleur, mets sur qu'on entend bien. Ouais. Ah, pour une fois, on a une fille. Ah, bah tu vois, regarde. Allô. Allô. Wa alaikum salam. Tu peux dire à la personne derrière toi d'arrêter de crier, on dirait il y a une bagarre derrière toi. C'est un bébé. Ah ok. Tu connais Niro. Je suis contente de t'entendre. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et moi aussi, pareillement. Une bonne chose pour la suite, une bonne continuation et continue comme tu fais, d'accord? Merci beaucoup, barakallahu fik ma soeur. C'est très gentil, force à toi et à ton enfant. Et mon fils Sofiane, il t'aime, il te kiffe. Ouais, bah force à lui, embrasse-le pour nous. Oui, il entend, les cotins, ils sont. Merci, bonne soirée Niro. Merci à vous, force. Ouais, bah, bon courage. Ami, continue comme tu fais, t'es un dieu pour si tous. C'est pas beau. Ah, Starfall, peut-être pas un dieu, mais en tout cas, merci beaucoup, c'est très gentil, voilà. Bonne soirée Niro. Merci, force. Au moins un ange. Même pas un ange. Je peux pas prétendre à ça, c'est trop beau. Merci beaucoup en tout cas à toi. Tu vois, regarde un peu de force. À ton enfant. On a oublié de lui demander son prénom à la jeune fille en tout cas. Ouais, bon, en tout cas, force à elle. Même si on connaît pas son prénom. Je tenais à rappeler parce qu'on en a reçu pas mal aujourd'hui. On a reçu pas mal de gens qui ont pris en photo leur album de la trilogie, d'ailleurs de Niro, la capture écran de Si je me souviens. Ouais, c'est très très très bien. Force à eux, grand merci à eux. Et ils vont recevoir leur t-shirt et leur coffret comme prévu après la sortie de Si je me souviens. On leur envoie le coffret. Le t-shirt, je pense qu'ils vont le recevoir là. Rapidement. Rapidement. Ouais. Après, c'est avec Skyrock. Si vous ne l'envoyez pas, c'est qu'ils vous ont carotte. Nous, c'est juste les t-shirts. Hein. Après, c'est vous qui vous démerdez pour le reste. Ouais. Donc, si vous l'envoie pas, c'est Street Lourd qui vous a carotte. Bon, je rappelle en tout cas que si vous voulez participer jusqu'à demain soir, vous envoyez la photo capture d'écran de vos trois albums de la trilogie de Niro, plus la capture écran de la précommande de Si je me souviens. Si je me souviens, et on vous met bien, bien, bien. Et vous nous l'adressez à l'adresse mail planetrap@skyrock.com, planetrap@skyrock.com. Le morceau inédit, on passera, il s'appelle. Alors, soit on va passer Who's Bed, produit par Suleiman Beat, force à lui encore une fois. Mais on va passer aussi Négatif. Et on va passer Négatif, qu'on a passé en freestyle hier, on va le passer. Cette fois en nature peinture, on vous met bien. Eh bien, ne bougez pas d'un seul coup, on vous repassera la deuxième couche. Avec Niro, on vous attend au freestyle et la roulette aussi qui va tourner. La roulette, faites tourner, repartez avec vos places pour Nekfeu. C'est 41759 pour les inscriptions avec votre prénom, numéro de téléphone 41759. Tous les soirs, Planet Rap reçoit Niro. Skyrock. En direct sur Skyrock. C'est Niro, notre invité. Entre 20 et 21, il y avait le son de Macklemore à l'instant. Downtown sur Skyrock. Un son qui plaît à Moscou. Niro, je sais pas s'il plaît aussi, mais. Ouais, il me plaît. C'est des grandes époques où il tournait sur la tête. C'est le hip hop, c'est le hip-hop. Parfait. Oh putain, t'as toujours le geste. Ouais. DJ Moscou. Ça reste, ça reste. La vague. Ouais. C'est comme le vélo. Ça bouge pas. Ouais, toi, t'as dansé Niro une époque ou pas? T'as moi, je danse, moi, je fais tout, mon pote. Oui, mais à partir d'une certaine heure, moi aussi, je danse. Mais... Ouais, moi, je danse, ouais, j'ai dansé, ouais. Non, mais t'as été aussi un moment dans. Ouais, vite fait, ouais, j'étais très petit, mon frère. Mm. J'avais 12, 13 ans. Bah, on commence tous à un âge. Ouais, ça a pas duré très, très longtemps, mais on était bon, hein. On se débrouillait bien à l'époque. C'était à l'époque de. Ouais, après, j'ai connu une autre époque de ce truc-là aussi. Les Rocksteady Crew, les trucs comme ça. C'était à l'époque des cassettes vidéo, mon Dieu, tu vois. Les gens, ils mettaient des maillots, ils tournaient comme ça. Donc forcément, t'essayais de faire la même chose aussi, ouais. Ah ouais, un jour, on l'a tous essayé un petit peu. C'est vrai. J'aimais bien, moi, j'aimais bien, j'ai kiffé. J'ai kiffé, en fond. Ça a duré un certain temps après. Et après, passer à autre chose. Ouais, je passe à autre chose. Niro avec nous toute la semaine, entre 20 et 21, on va écouter un morceau. On avait dit quoi? Négatif, c'est ça? Ouais. Négatif. Le morceau, tu l'as fait en live hier. Voilà. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les images sur le skyrock.fm, sur le planetra.skyrock.com. Donc un titre qui s'appelle Négatif. On va découvrir la version studio, la version album. Qui a été signé au niveau de la prod par Willstar Négatif et Who's Bed, c'est Suleiman Beat. Voilà. C'est parti. Négatif. Si je me souviens, le 6 novembre. Je suis négatif. Bello. Bello. Street low. Roule. Dans la sécheresse, ils trahissent l'équipe pour s'abreuver. Ouais. Les rebuts de service qui sucent des bites pour pas crever. Ok, distrait, je vais rester ça. Ouais. Respecté dans toutes les zones. J'ai toujours poussé les uns. Jamais jalousé les autres. J't'ai dit, qu'est-ce m'en bats les couilles que tu m'aimes ou pas, pour moi c'est pareil. Je fais partie du peuple le plus détesté de cette foutue planète. Dis-le, beaucoup de problèmes et très peu de solutions. Mineur, j'dormais sur des fusils de guerre, des sacs de munitions. Raconter de la merde, caillasser les keufs que de la violence pour niquer le temps. J'ai galéré sa mère, j'connaissais mieux les blancs que ceux qui habitaient tout le temps. J'suis du père à ton traîner, trop fier pour être ému. Y'a beaucoup trop de haine, je la part ma de prévenu. Wesh Adjo, hier du mort pour qui qu'il est. C'est pour ça que j'fais la diff, j'suis négatif. Street lourd, de mauvaise humeur négatif. Tu veux un fit, salope, nique ta mère. Je laisse du sol sur le tapis de sol. Ouais. Insolent comme Bart Simpson. J'suis violent comme un Kingston. J'l'ai fait trembler, j'suis Parkinson. J'te baisse tellement quand tu m'invites en fuite. J'vais pas au studio, mal au tennis. J'ai le pouvoir et quoi après ma pipe. Monica Lewinsky, Bill Clinton. J'plais à ma pression, parfois j'me questionne. T'es pas mieux que moi, pourquoi tu m'as raison. Les yeux ouverts, j'regarde le soleil. J'sors de mon sommeil, j'pense qu'à faire des sommes. Zoulou. Pour ça ou quoi, j'pourrais rien y faire. J'vais à changer d'or, c'est le désordre. Raconte-nous pas ta vie de voyou. Ici on se voit pas sur des ans. Si vous saviez depuis combien de temps je retiens mon index. Ces petits travelots m'ont pris pour un deck. La France c'est petit, je peux te localiser. Tu vas te faire tirer dessus pour un texte. Sachez le bien, moi je fais pas de clash. Si y'a un chat, ça se passe en inter. On est beaucoup, on a tout ce qu'il faut. Un coup de bigot, y'a des hommes à terre. Wesh Abibi, Agana est dédicatif. Pira en Kabylie. C'est pour ça que je fais la diff, je suis négatif. Ouais Bibi, ouais j'ai Bibi, force à tous mes cabines. Tu me rends négatif. Force à mes jazzers. Nique ta mère, j'ai pas connu la vie grâce à ta salope. Le ghetto survivra même sans les allocs. Wesh à mon sauce, sors de ce coin. Viens me chercher, je suis un pote, j'ai niqué la lotte. Je leur ai fait de l'ombre et c'était pas volontaire. Tes mains comment je vais leur faire à long terme. La tête dans les affaires, le cœur sur la main. Les pieds dans la merde, ma bite dans leur mer. Ils font du bruit pour rien, ils sont tous à fond. Gros, il en faudra plus pour m'accabler. Ou pour me soulever, pousser l'info. Le rêve est plus lourd qu'un macabre. Moi ce que je veux c'est dormir sur la table. A chaque album je me dois de la rappeler. J'ai frappé fort la putain de sa mère. Je leur ai prescrit un prix à rappeler. Depuis le départ, que de la frappe. Je suis l'assassin, le médecin légiste. Ils croient tous avoir inventé la trappe. J'avais déjà leur flot dans paraplégique. Kilo cheat, kilo de bain, kilo de cessé. Kilo d'héros, bien compressé. Skeg dressé, dans la fessée. Je ramasse les billets, ramasse les blessés. Et les héros. Je suis négatif. C'est pour ça que je fais la diff, je suis négatif. Street lourd. De mauvaise humeur négatif. Le 6 novembre. Nique ta mère, c'est négatif. Le 6 novembre, si je me souviens. Ouais, mon ami. 250 E dans la vessie, je sors de nulle part comme un AVC. Je suis monté sans demander ton avis, comme le prix de l'essence. Et des garanties, NIRO. Aïe. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Niro à l'instant et ce morceau qui s'appelle Négatif. Super énervé, on fait des transferts. Oui, j'ai de Madrid. J'ai capté, il y a eu un transfert dans l'émission. Transfert d'émission. Ouais. Force à tous ceux qui envoient des messages. Continuez. Voilà, vous faites plaisir. Niro que de la frappe, que des morceaux de bâtard. Bah ouais, frérot, ils savent très bien comment ça se passe depuis paraplégique qu'on est là. Force à toi Niro, dédicace au 1-2 qui arrive force aussi. Force surtout à vous, voilà, force à tous ceux qui se prennent la tête, qui envoient des messages, force à tous ceux qui appellent aussi, voilà. On vous aime, on vous aime. Niro ? Ouais, ouais. Je te présente quelqu'un qui nous appelle de Londres pour le freestyle. Okay. Oh là là, pas mal. Allô, allô. Nesta. Attends, je mets mon casque. Ça va ou quoi ? Ça va Nesta ? Ouais, Nesta. Qu'est-ce que tu fais à Londres toi, Nesta, alors ? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, je fais un stage, mais originellement, j'habite à l'Ain, Ternezou. Je sais pas si tu connais. Ouais, peut-être, ouais. Dans l'Ain. Bon, on est déjà passé là-bas. Ouais, dans l'Ain. On est déjà passé là-bas. Ouais, pays de Jack. Juste à côté de Genève, ouais. Ouais, ouais. Bon, et Londres, t'as écouté des choses bien du côté de Londres, justement, Nesta. Est-ce qu'il y a, une scène hip-hop, je sais, mais un peu moins connue, évidemment. Ouais, il y a du bon rap. Le rap anglais, c'est chaud, le rap anglais. C'est du ouais, bon rap. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Moi, j'aime bien Little Sims. La petite là, je sais pas si tu connais. Ah, celle-là, la meuf là. La ouais, meuf, c'est une petite renoir, elle me fait penser à la petite Sienna. D'ailleurs, dédicace à Sienna. Ouais, Sienna. C'est ma copine Sienna. Sienna qui est en première partie de McTayer d'ailleurs, qu'on salue. Ouais. D'ailleurs, je dois y aller moi après. Donc on va accélérer, c'est ça en fait ouais, non, même pas, c'est après 21h comme prévu. Après, ça se trouve, je vais un peu arriver en retard, je te mens pas, mais bon. Bon, tu louperas peut-être, Sienna, mais. D'ailleurs, McTayer à la Cigale. Bon, voilà, force à lui pour son concert, voilà. Et force à la petite Yana. Et ben Nesta, on va t'écouter maintenant. C'est l'heure du freestyle par téléphone, c'est parti. Vas-y, ça marche. Yo, Nesta, stun et Nesbox, ça met l'ambiance, la pléiade. Yo, ça décore les gars. Oh. Je rêve de faire des concerts, on la foule se compte, frère. Soit t'as capté le contexte avec tous mes cons, frère. Et quoi qu'on fasse, on se confesse, je pars en contexte, pas en compète avec mes compatriotes, mon team de compagnie. Hein. On va tout baiser, rappeler les occasions, avec mes compagnons. On arrive dans le feu du brasier, moi et le rap, on est déjà manié. Je devais me manier, les choses étaient les variées. Du premier coup, je tenais un trop pendant le panier. C'est salide, je suis valide, tous mes pédés bien salides. Et contre ma frappe de qualité, je suis qualifié. Mais les départs, t'es un guépard, y'a pas de prise de tête, faut que la tige s'arrête, jamais la rime s'arrête. Dès que ma team s'apprête à kicker, elle met tout le monde dans l'espoir. Yeah. On est posé sur la mettre, t'inquiète pas, qu'on ne stresse pas. Et c'est Nesta qui va les shooter one by one, motherfucker. Ok, Nesta à l'instant, freestyle du côté de Londres. Bah, sympa de nous avoir appelé en tout cas. J'ai rien entendu, mon pote. T'inquiète pas. J'ai rappé à Capella là. J'sais t'inquiète pas, si t'inquiète pas, Nesta. On sait que par téléphone, c'est pas gagné. Et surtout toi à Londres. Ouais, c'est un peu compliqué pour comprendre tout. Mais force à toi, frérot. Merci à toi en tout cas Nesta, tu nous regardes sur l'appli, tu fais quoi pour capter l'émission? Je regarde surtout sur YouTube les chaînes, d'accord. Les rap et tout. Ok, bah écoute, merci à toi en tout cas Nesta d'avoir été avec nous ce soir. Ouais, merci les gars. Passe une bonne soirée, Niro et l'album si je me souviens. Dans une semaine pratiquement, ça y est, il sera dans les bacs. Surtout si vous le précommandez dès maintenant, vous l'aurez pratiquement dans une semaine, puisque dans la nuit, vous réveillerez dans la nuit de jeudi à vendredi et là. Voilà. À minuit, joie et bonheur, l'album de Niro sera disponible. Disponible. Magnifique. C'est beau, la technologie. Magnifique. On arrache la route. Alors, on avait promis un titre inédit, Niro. Ouais, on va envoyer Ouzbed par Suleiman Beat. Un petit mot, une petite anecdote sur ce morceau. On a fait le clip au Brésil. On a fait le clip au Brésil dans la favela. Voilà, c'est la seule anecdote. Le clip, il arrive très bientôt. Ouais. Voilà, restez branchés. Nicolas Noël à la réalisation. Voilà, Ouzbed, hein, le titre il parle de lui-même, vous verrez bien. Et bon, on le découvre. Réagissez, hashtag Niro sur Skyrock. Ah ouais, Ouzbed, celle-là c'est la bonne. Ouais, ouais. Tout bête, père de John Dahlia sur le Z, je vous bête. roulez. Qui nous aime pas ou qui nous aime, poubelle. Père de John Dahlia sur le Z, j'vous baisse. J'vois plus de rappeurs aux dernières nouvelles. Tous dead. J'écoute leur album, ils puent de la chèque. Poubelle. Une trilogie, j'me fais un gros bloc. J'suis tout mec. Mais j'rappe mieux que toi, j'prends beaucoup trop de place. Boumbec. Maintenant pour percer, ils hésitent pas. Courbet. J'l'ai fait swinguer comme Michael Jackson. Who's bad? La vie c'est la vie, le rap c'est le rap, ne me questionne pas. Si t'es pas mieux que moi, ne me raisonne pas. J'parle de la violence, la cautionne pas. Je voulais connaître l'histoire de la Palestine. Mais ça à l'école on nous l'enseigne pas. Inséré ou pas, de façon à quoi bon. J'suis le seul arabe que la France aime pas. Prenez hein la mort, ça ouvre les yeux. On dit que l'amour ça rend avec. Seul un million liquide mon vieux. Pourrait reconforter la veine. Pour faire la maille, c'est plus trop ce qu'ils peuvent. Tout part de rien, la réussite sourit pas. Tous ceux qui la veulent m'ont pas brûlé. Qui nous aime pas ou qui nous aime, tout bête. Père de John Dahlia sur le Z, j'vous bête. J'vois plus de rappeurs aux dernières nouvelles. Tous dead. J'écoute leur album, ils puent de la chèque. Poubelle. Une trilogie, j'me fais un gros bloc. J'suis tout mec. Mais j'rappe mieux que toi, j'prends beaucoup trop de place. Boumbec. Maintenant pour percer, ils hésitent pas. Courbet. J'l'ai fait swinguer comme Michael Jackson. J'suis dans la vie, ils disent que j'suis mort. Ils sont bien sûr dans l'écrivain. Prochain album, ils sont ce que ça fait de se faire baiser par un mort vivant. À quoi bon faire de faire les choses quand j'ai mon fils dans les bras. J'me dis, plus la vie me donne des choses, plus la mort m'en enlèvera. Maudit, sois le fils de putain qui veut pas que je prenne le butin. Les ennemis sur des pontins, des ennemis, j'en ai plus d'un. Moi j'ai rien à voir avec ces folles boules. Vite place dans la bouche, ils ont pris dans le boule. Ouais, filez-moi avant que je devienne fou. Libéré d'Arson. Avant que je devienne comme vous. J'ai ouais, ouais. Plus d'un dans mon stylo bing. Beaucoup trop d'ennemis sur ma liste. J'avais même pas l'âge d'aller en prison la première fois qu'on m'a sorti. Ouais, Biban, ouais, chat, petit chacal, frérot. Force à toi, moi, Arthur. Je vous laisse faire les fous, moi je faire les sourds. Assou, la muse, vous bien. Ouais, ouais. Les épreuves nous endurcissent, c'est ça les jaloux, ça. On a perdu le goût, l'odeur, du mal à savoir et tout ça. Pour une histoire d'alcoolémie, de billets de motos. Je me retrouve entre deux potes bourrés qui veulent s'allumer gratos. Qui nous aime pas ou qui nous aime, tout bête. Père de John Dahlia sur le Z, j'vous baisse. J'vois plus de rappeurs aux dernières nouvelles. Tous dead. J'écoute leur album, ils puent de la chèque. Poubelle. Une trilogie, j'me fais un gros bloc. J'suis tout mec. Mais j'rappe mieux que toi, j'prends beaucoup trop de place. Boum mec. Maintenant pour percer, ils hésitent pas. Courbet. J'l'ai fait swinguer comme Michael Jackson. Who's bad? Le 6 novembre dans les bikes, si je me souviens de Zulu. Le meilleur de ma génération. Il le sait. Le 6 novembre, paix à tous ceux qui précommandent l'album. Force à vous, paix à tous les quartiers de France, à tous nos incarcérés. Libéré d'Arsaï, Tichakal, Moha. Ouais ouais, ça bouge pas les frérots. Oni, Fren, Fleury. Voilà ce morceau que vous retrouverez sur l'album Si je me souviens, qui sort la semaine prochaine, Niro. Ousbeth, pareil, un autre clin d'œil cette fois-ci à Michael Jackson. À mon pote on passe Michael. De Balavoine exactement. À Michael Jackson sur cet album, c'est fou. Ouais, hein. C'est ça. Bah voilà, exactement. Que des icônes. Que des références. Icônes, références. Que des grandes références. Imagine-toi, voilà. Dans 20 ou 30 ans, des mecs diront ouais, comme Niro, machin, etc. Non, bah, ça existe déjà. pardon, pas besoin d'attendre aussi longtemps. Ouais, attendez pas que je sois mort pour me kiffer, la famille. Voilà, parce que c'est toujours pareil. Quand on est vivant, on voulait qu'on meurt, quand on est mort, on voulait qu'on vive. C'est quoi le truc? Et ça devient compliqué. Il y a une partie où ça devient compliqué, ouais. Ouais. Prise de tête. Cool. Niro avec nous entre 20 et 21. Et ouais, aussi ouais. L'équipe de Street Lourd qui est là. Street Lourd, Teddy Corona. Teddy, on l'a pas trop entendu. On va le laisser parler un peu. Non, cette mais semaine. Non, je suis en retrait. Moi. Mais Teddy, il est toujours très. Je suis en retrait, moi, comme d'habitude. Rien qui change. Toujours classe. Est-ce que peut-être tu vas ajouter quelque chose sur l'enregistrement? C'est pas Teddy, un souvenir en particulier. La barbe est taillée. Une émotion. La barbe est taillée. La veste est taillée. Des heures et des heures de studio. Des heures. Alors, comment ça se passe, les heures et des heures de studio avec Niro? Bah, écoute, en fait. Alors. on arrive sur un point crucial. Ça commence à... Boisson. Ça à peut minuit. Commencer à 20h. Voilà. Mais boisson. L'enregistrement lui-même, tout il peut à commencer du matin. À minuit, 2, 3 heures, 4, 5, 6 heures. Comment peut-être. Ça se fait, Teddy? Peut-être. Ça se termine des fois à 13h, 14h. On incroyable. Commence à 23 alors que ça commence à 20h. Des fois, incroyable. Ça finit à 17h. Il n'y a pas d'heure, en fait. Incroyable. Force à Aurélie. Force à Aurélie. Force à Mikey. Wow. Mikey, avant, il avait un peu de poids. Il avait un perdu 15 kilos après c'est tombé. Tiens, je vais aller le voir, Mikey. Kilos. Je vais aller voir, Mikey. Prochain enregistrement. Va le voir, tu verras. Prochain enregistrement, je le ferai. Le régime avec toi. Niro. En moins de deux mois, tu perds 15-20 kilos, sûr. C'est quand, problème. C'est quand le prochain album problème. Que j'y aille, que je rejoigne. Là. Quelques semaines, c'est reparti. Là. C'est reparti. Donc, oui, voilà. Alors, on en sait un petit peu plus sur l'enregistrement, par exemple, d'un album de Niro. On commence à 20h et on finit. On finit très. Voilà, je te dis, il faut mettre le diesel. Il n'y a pas d'heure. Ça dépend. Il n'y a pas d'heure. Ta vie, elle est entre parenthèses, tu vois. Entre mais guillemets. Ta vie te coupe tout, ta vie de travail, voilà. Tu mets tout. Ça sent, mais où là, c'est ça vrai. Sent le vécu. Hein. Non, mais moi déjà, c'est très compliqué. Force à ma femme, parce qu'elle est très patiente, voilà. Mais moi, faut tout mettre de côté. Hein. Vie de couple, vie sentimentale, vie des enfants, tout. Ça peut être compliqué. Bon, mais par contre, quand il passe derrière le micro, est-ce qu'il arrive encore à vous étonner, Niro, vous qui le connaissez depuis un sacré moment. Encore sur cet album. Plus écoute, que jamais, franchement, il est en forme de fou. Puis de toute façon, ça s'entend. C'est exactement comme il disait. Il disait que c'est très compliqué de travailler avec lui, tu vois. Là, Zama, c'est le moment où ils mettent bien. Je laisse parler. Alors attention, oui, ne dis rien, Niro, s'il te plaît, pour l'instant. Non, mais ouais, bon. Je suis bien. Non, quoi, faut dire les choses, en fait. Non, je suis bien, je suis content, voilà. Mais voilà, quoi, c'est plus ou moins compliqué, plus ou moins, mais voilà, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est voilà. Il écoute quand il veut, tout ça. Est-ce qu'il y a de longues discussions parfois? Ah, très longues, bien sûr. Souvent. C'est quoi, autour d'un morceau ou c'est avant un morceau? C'est ça peut être d'ailleurs. Tout. Non, c'est pour plein de choses. Les choses du travail, de la vie, de tout. De tout. En fait. Eux, c'est mes animateurs. T'as vu dans les animateurs de quartier quand t'es petit là et tout. On a le BAFA. Ils ont le BAFA, eux. Toujours canalisé. Mais bon, Juju est là aussi. Juju est là. Juju est pensé passer inaperçu comme ça. Ah ouais. Juliette, l'Africaine. Juju qui revient de la Côte d'Ivoire avec plein d'idées, plein de gris-gris. Voilà. On va avoir ou pas ce disque d'or? Juju, en fait, elle voyage beaucoup en Afrique. Elle fréquente des marabouts, tout ça. Donc elle est venue nous dire. Donc là, vous allez gagner bientôt beaucoup d'argent. Entre autres, Juliette qui bosse avec Kerry James et qui est un peu avec nous aussi. Qui est aussi une grande animatrice de télé. Moi, j'ai fait des émissions avec Juliette. Télé, radio, tout. Télé, radio, tout. Et j'en garde des très bons souvenirs à chaque fois, pas vrai, Juju? Ça va? C'est un bonheur d'être ici ce soir et. Ça marche pas? Ah non, si ça marche. Ça marche si, bien. Non, ça marche. Bien sûr. Non, mais c'est un plaisir d'être là, surtout attends. Pour Niro, voilà, et Street Lourd. Merci. C'est aussi un bel exemple, on en parlait justement avec certaines équipes là cette semaine. Il n'y a pas beaucoup d'artistes finalement qui sont là depuis longtemps et qui produisent d'autres artistes et qui produisent des pépites. Donc un gros big up à Street Lourd, merci déjà pour juste. Commencer, voilà, parce que cool. Teddy, Ideal J, Mosco, Mafia Kinfry, Important et Niro. Voilà, Mista Flo, il est où Mista d'ailleurs? Il n'est pas venu. Oui, et Mista Flo, voilà. Mista, big up à lui. Et puis Niro, quoi. Juste Niro. Une dinguerie du rap français. Voilà, moi j'ai eu la chance d'entendre l'album il n'y a pas très longtemps et je me suis encore pris des claques et des claques et des claques. Et c'est pas toujours simple parce qu'avec le dernier album, c'était déjà un gros niveau. Et là, on a encore passé un échelon supérieur. Voilà, big up l'équipe. Force à Juliette. C'est tellement d'amour, Niro. Ouais, c'est que de l'amour, tout ça. Tout ça. Ça déborde d'amour autour de moi. Les attendez. Ouais, on va chanter. Non, force à Juju parce qu'elle est avec nous et qu'elle nous supporte. Ça fait longtemps. Et donc voilà, j'ai fait la tournée un peu avec Kerry James. Force à Kerry James d'ailleurs. Kerry James qui a balancé d'ailleurs un freestyle. Violent. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas écouté. Je l'ai même pas vu. C'est pas un freestyle. Ça n'est pas un freestyle. Commencez pas à spolier parce que moi j'ai pas encore entendu. Non mais moi j'ai entendu qu'une seule minute 40, donc je pense que c'est ça. Il y a pas plus. C'est le début d'un titre qui va certainement faire 6-7 minutes. On verra. James en rapport avec Ziad Ebouna, d'ailleurs père leur famille. Il fait un état des lieux d'ailleurs qui est pas forcément réjouissant, mais ouais, excuse-moi frère. Vas-y Niro. Père la famille de Ziad Ebouna, père la famille de Bouchi Allah Rahma, père la famille de Sia Style, paix à son entourage, paix à leurs proches et paix à nos disparus, voilà, à nos incarcérés comme d'habitude. Voilà. Niro, avant de se quitter, on finit avec quel morceau? Est-ce qu'on remet Sortez Couvert? Est-ce qu'on remet Le Ciel est ma limite? Moi, franchement, je sais pas. On met un petit négatif là. Je sais pas. Ah ouais? Je sais pas. Je vous laisse concertez-vous un petit peu comme quand vous êtes en studio. Ok, vas-y, on va te dire ça dans deux minutes. Non, à 3h du mat, quoi. Remets négatif, allez. Allez. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Allez, c'est sûr et certain. Kiffer les gens dans leur le morceau, voilà. Tu l'as fait en live hier. On l'a écouté il y a quelques minutes. On va le réécouter maintenant. Balancez aussi vos messages, le hashtag Niro sur Skyrock. Et le morceau s'appelle Négatif. Aïe. Négatif. Bello. Bello. Street low. Le 6 novembre dans les bocs. Roulez. Dans la sécheresse, ils trahissent l'équipe pour s'abreuver. Y'a que les rebuts de service qui sucent des bites pour pas crever. Ok, discret, je vais rester simple. Respecté dans toutes les zones. J'ai toujours poussé les uns. Jamais jalousé les autres. J't'ai dit, qu'est-ce m'en bat les couilles que tu m'aimes ou pas, gros, pour moi c'est pareil. J'fais partie du peuple le plus détesté de cette foutue planète. Ouais. Dealer, beaucoup de problèmes et très peu de solutions. J'dormais sur des fusils de guerre, des sacs de munitions. Ah, chinois. Se raconter de la merde, Kaya, c'est les keufs que de la violence pour niquer le temps. J'ai galéré sa mère, j'connaissais mieux les blancs que ceux qui habitaient dedans. J'suis du père à tout traîner. Trop fier pour être ému. Y'a beaucoup trop de haine. Dieu la boîte m'avait prévenu. Et Niello, j'suis négatif. Eh, cochon, coco. C'est pour ça que j'fais la diff, j'suis négatif. Street low. De mauvaise humeur négative. Tu veux un fit, salope, nique ta mère. Je laisse du sang sur le tapis de sol. C'est novembre. Un solo comme Bart Simpson. Si je me souviens. Violent comme à Kingston. Je l'ai fait trembler, je suis Parkinson. Je te baisse tellement que tu m'invites en fuite. Je vais pas aussi. Et un Kirikou est là. J'ai le pouvoir et toi après ma pite. Barbie c'est là. Bill Clinton. Mais à ma présence, je me questionne. T'es pas mieux que moi, pourquoi tu m'as. Ah, mon gros nounours, il est là aussi. Je regarde le soleil, je sors de mon sommeil, je pense qu'à faire des sorts. Qu'on soit ou quoi, je pourrais rien y faire. Je vais changer dehors, c'est le désordre. La ville est là, c'est plein de là. Vite voyou, ici on se voit pas sur des ans. Si vous saviez depuis combien de temps je retiens mon index. Ces petits travelots m'ont pris pour un dette. La France c'est petit, je peux te localiser. Hey, tu vas te faire tiens, tu des pour un texte. Sachez ouais, le ouais, garde la pêche, moi, pas de cloche. Si y'a un chat, ça se passe en inter. On est beaucoup, on a tout ce qu'il faut. Un coup de bigot, y'a des sans ma terre. Et Niello, tu négatif. C'est pour ça que je fais la diff, je suis négatif. Street low, de mauvaise humeur négatif. Tu veux un fit, salope, nique ta mère. J'ai pas connu la vie grâce à ta salope. Le ghetto sur mes marocains. Les wesh à mon sauce, sors de ce coin. Viens chercher, je suis un pas, j'ai niqué la loi. Je leur ai fait de l'ombre et c'était pas volontaire. Tes mains, comment je vais leur faire à long terme. La tête dans les affaires, le cœur sur la main. Les pieds dans la merde, ma bite dans leur mer. Ils font du bruit pour rien, ils sont tous à fond. Gros, il en faudra plus pour m'accabler ou pour me soulever, pousser l'info. Le rêve est plus lourd qu'un macabre. Parce que je sais dormir sur la table. A chaque album, je me dois de la ouais, déjà, il est là. Mais putain de sa mère. Je mais Dino, mon Mouham c'est là. Minus. Le médecin légiste. Il croit tout savoir inventer la trappe. J'avais déjà leur flot dans paraplégie. Un clip Bruno. Kilo d'héro. Bien compressé. Wesh un bibi. Dans leur fessée. Je ramasse les billets. Ramasse les blessés. Et Niello. J'suis négatif. C'est pour ça que j'fais la diff. J'suis négatif. Street lourd. De mauvaise humeur négatif. Tu veux un fit, ça nique ta mère, c'est négatif. Ouais, ouais, 6 novembre, si je me souviens, mon ami. Moumouké est là, Juliette est là. 250 eux dans la vessie, je sors de nulle part comme un AVC. Je suis monté sans demander ton Koro. Avis comme le prix de l'essence. Et dégâts, si, un euro. Niro, négatif, c'est un morceau que vous retrouvez le 6 novembre dans les bacs. Ah, Nino Bonne, une spéciale pour Nino Bonne. Voilà, le 6 novembre dans les bacs, j'ai toujours un million de dédicaces à faire. 6 novembre dans les bacs. Pardonnez, 6 novembre dans les bacs, si je me souviens. Force à tous ceux qui. Et on précommande dès maintenant, on peut y aller tout de suite, le récupérer. Ouais, ouais, dès maintenant. Merci pour cette soirée en tout cas. Merci à toi, Fred. Merci à vous tous. Et puis bah, à demain. À demain, mais juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la révélation de l'année, Nekfeu. Quoi de neuf, c'est ce bon vieux feu. En concert près de chez toi. C'est Thomas d'Agen qui vient faire tourner la roulette, ça va Thomas? Ça va, et vous? Oui, bah écoute, en pleine forme, avec ouais, Niro Thomas. Qui est là toute la semaine. Salut Niro, bonne soirée. Salut frérot, ça va? Ça va, et ça va tranquille et toi? Bon, t'as expliqué un peu le concept de l'émission ou pas? Ah. Ouais, on m'a expliqué un petit peu, ouais. Bon, d'habitude, c'est pas d'habitude, c'est d'autres cadeaux là. C'est la Sky Boulette, on t'envoie une boulette ce soir. La Sky. Il y a pas une grosse boulette alors, hein? Ouais. Ouais, ouais, t'inquiète. Offerte par Street Lourd, hein, je rappelle, puisque bien évidemment. Ouais, offerte par Street Lourd, Skyrock. Bien évidemment, ils ont rien à voir avec ça. Non, voilà. Merci. Merci, Niro. La roulette tourne, dès que tu veux, tu dis stop. Je dis boulette. C'est ça. Eh bien, compris. Tu as gagné ton poids. Tu as gagné ton poids en cannabis. En canapé. Thomas, plus sérieusement, c'est deux places pour aller voir Nekfeu. On se dit quoi? Bordeaux, pour toi, c'est plus simple? Bordeaux, c'est plus simple pour moi. Eh bien, 27 mars, tu seras à Bordeaux et tu auras tes deux places pour Nekfeu. Oh, merci beaucoup. Merci pour la boulette. Tu vas voir ton petit t-shirt Street Lourd aussi. Allez, et le t-shirt Street Lourd. Ça va avec. T-shirt Street Lourd. Merci beaucoup. Vous déchirez. Merci à tous. Tu vérifieras les coutures. Voilà. Tu pourras faire ta petite mèche sur le côté et sortir avec ton petit t-shirt Street Lourd. Et tu ressembleras à Moscou. Voilà, tu ressembleras à Moscou. Beau gosse. Ciao à toi, merci à toi. Fred, si on peut juste. Vas-y. Après, il y a Teddy. Merci. Dédicace à tout BE, à Momo, à Bencho. Dédicace à Antoine Carré aussi. Posé à la Casachiche, voilà. Eh ben merci à toi, passe une bonne soirée, Teddy. Ouais Fred, si on peut juste rappeler par rapport à l'application Moody. On en a parlé tout à l'heure, c'est une application sur laquelle sera Niro. Voilà, Moody, M-O-O-2-D-Y. Moody, voilà, on vous attend bientôt, ça arrive. Une application qui va faire très mal, qui, voilà, c'est pour partager, promouvoir et exporter la musique très loin, au-delà des limites. Voilà. Bien, merci pour cette précision. Force à nous moquer. Et merci à toi, Teddy. Merci à Moscou. Merci à Niro et tous ceux qui sont passés dans Planète Rap ce soir. On se retrouve demain pour la dernière. Ouais, Inch'Allah, pour la dernière. Et puis, on sera à 7 jours de la sortie de l'album, surtout demain. Le 6 novembre, donc, si je me souviens. Ne loupez pas le Planète Rap demain soir. Passez une bonne soirée. Là, c'est parti. C'est la Radio Libre, dit Foul. Et oui, la Radio Libre qui va démarrer maintenant. Salut Fredo. Et hello. Et on est en place. Et bien, dans un instant, on est en place pour une grosse soirée qui nous attend. Des pervers de Pamela, les collectors. Ouais. Jusqu'à demain, profitez-en, hein. C'est pas souvent qu'on fait ça. Hein. Collector de Pamela, problème du mois aussi, parce qu'on est jeudi. Super. Ah ouais, et attention, surprise. Et attention, on dit pas tout alors. Ah, on dit pas tout. Eh ben, bougez pas, on arrive là. À toutes.